Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, cet étrange désir de posséder les œuvres d'art, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une leçon inaugurale ébouriffante au Collège de France et la pensée si précise et généreuse de l'historienne Bénédicte Savoie. Il y a aussi ces objets que l'on a tellement l'habitude de voir au musée qu'on finit par oublier que jamais cela n'a été leur place. Ils ont été faits pour des églises, des temples, des palais, des jardins ou des salons et d'une manière ou d'une autre en ont été arrachés. Et il y a ces demandes des anciens pays colonisés de récupérer les objets et les sculptures que les colonisateurs se sont attribués. Et parfois, ce plaisir évident de voir un objet dans l'endroit pour lequel il a été conçu et paradoxalement cet autre plaisir tout aussi fort de déambuler dans les musées. Mais en tous les cas, en temps de guerre, une œuvre d'art fera toujours un beau butin. Alors pour commencer, les personnages. Des rois, des soldats de l'armée rouge, une conservatrice archéologue, un conservateur qui s'interroge, une historienne à l'écoute, un historien d'art qui entend murmurer les œuvres, un conservateur qui veut reconstituer sa collection et une guide qui connaît Rome comme sa poche. Ensuite le décor, un arc de triomphe, une stèle du Pays des Lames, les rues de Rome, le château de Fontainebleau, le palais d'été de Pékin, un musée détruit, des statues brûlées, d'autres qui ont disparu et des fouilles pas loin de l'ancienne Troie. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive au Collège de France. On est rue des Écoles, à Paris, pas loin du métro Saint-Michel, autour du quartier des Universités. Et là, je me dirige vers le Collège de France. Je cherche Bénédicte Savoie, et d'ailleurs je la vois de l'autre côté du trottoir. Et nous voilà devant une statue. Est-ce que vous pouvez nous la décrire aux auditeurs ? Alors on voit un jeune homme qui doit avoir 30 ans, élancé, habillé à la mode des années 1800. Il a des longues bottes qui lui collent au mollet, il porte des rouflaquettes. Il a l'air pensif, songeur, peut-être mélancolique. Il est appuyé comme un jeune romantique, donc qui ferait une pause dans une promenade en forêt par exemple. Et en fait, sa botte, le talon de sa botte et tout son pied est appuyé sur la tête coupée d'un pharaon. L'art comme butin de guerre. Petite chronique des voleurs volés. On est face à Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne autour de 1800-1820, qui est représenté ici comme quelqu'un qui maîtrise l'Égypte, qui la domine. Et il y a une tension là-dedans qui est la tension des années 1870 quand cette sculpture a été réalisée, c'est-à-dire de l'époque coloniale où c'est évident que l'Européen, le savant, le savoir, le progrès du savoir ont la primauté sur ce que la terre ou les cultures peuvent encore receler comme merveille, comme trésor. Je suis une œuvre d'art. Je suis une image. Je suis en marbre. Je suis en bois. Je suis en pierre. Je suis sculpté. Je suis en bois. Je suis en ivoire. Je suis un objet d'art. Inanimas nomen khashab. Je suis en ivoire. Je suis en bois. J'ai été pillé, vendu, échangé. Inanimas nomen khashab. Je suis en bois. J'ai été détruite. Je suis une image. Je suis en marbre. Je suis une sculpture. Je suis en pierre. Je suis en marbre. J'ai été emporté. J'ai été copié à l'identique. Je suis en ivoire. Je suis un vase bleu. Si les objets d'art pouvaient parler, ils raconteraient cette statue antique, sculptée en Grèce, devenue butin de guerre, puis exhibée en triomphe pour être finalement exposée dans la Rome impériale. Avant des siècles plus tard d'être trouvée par un pape archéologue, volé par Napoléon, puis restitué au Vatican. Ou ce tableau, peint pour une église, confisqué par la Révolution, rendu, repris, au gré des guerres, le tout 13 fois. Ils sont volés, brandis comme des trophées, réclamés ou regrettés. Leurs itinéraires racontent les successions des règnes, les empires qui s'effondrent, les civilisations disparues et les pouvoirs dominants. Ils sont nos mémoires, ils sont aussi nos remords, nos regrets, nos défaites et nos victoires. Et ils sont aussi, parfois, nos petits arrangements avec les changements d'époque. Parce que le pillage des biens artistiques en temps de guerre, c'est une vieille histoire. Depuis l'Antiquité, une fois qu'on a remporté une bataille, on ne repart pas les mains vides. Pour s'enrichir, pour punir l'adversaire, pour se dédommager de ses propres pertes, pour payer les soldats ou pour prouver sa force. Au retour, on fait étalage de son butin. Et ça vaut pour tout le monde. Les Anglais, les Français, les Soviétiques, mais aussi les Romains ou les troupes du Pays des Lames. C'est comme ça qu'une stèle mésopotamienne se retrouve au Louvre et qu'une menorah a été gravée sur un arc de triomphe à Rome. Sophie Benzech, on est juste à côté du Forum romain. Donc il y a autour de nous des oliviers, des pins parasols et juste devant nous, un arc de triomphe. Donc c'est un arc de triomphe tout en marbre hein, qui fait à peu près une quinzaine de mètres de hauteur et à peu près autant de large. Titus avait été envoyé par son père, l'empereur Vespasien, en Judée, à Jérusalem, pour mater une grosse révolte. Donc c'est un arc de triomphe avec une seule arche. Et donc à l'intérieur de cette grande arche, vous voyez donc le bas-relief sur la droite, donc le char du triomphateur qui est Titus, donc un char magnifique tiré par 4 chevaux. Et derrière lui, donc, une dame avec des ailes qui est la victoire et qui tient au-dessus de la tête du triomphateur, vous le voyez, donc, la couronne, évidemment, du vainqueur. Rez-de-chaussée, antiquité grecque, étrusque et romaine, Vénus de Milo. Alors en fait, on voit sur cette stèle donc le roi triomphant, donc Naram-Sin, et il est associé donc au dieu, puisqu'en fait il a une coiffure avec des cornes qui sont la marque, je dirais, du divin en Mésopotamie. On le voit triomphant tenant son arc et ses flèches, et on le voit dédier, je dirais, sa victoire aux dieux qui sont symbolisés par les astres que vous voyez représentés en haut de la stèle. On voit une inscription qui est sculptée, et en fait cette inscription nous indique que cette stèle a été volée. Un roi venu d'Elam, c'est un certain monsieur Shutruk Nahunte, qui vient au XIIe siècle essayer de conquérir la Babylonie, et il emporte en même temps comme butin de guerre un certain nombre de grandes sculptures mésopotamiennes. C'est une manière de montrer son triomphe, mais c'est aussi une manière de s'approprier quelque part les pouvoirs de l'empire d'Agadé, qui était vraiment un des grands empires Mésopotamie, donc vers 2300 avant Jésus-Christ, qui est montré sur cette stèle. De l'autre côté, donc, vous voyez là sur la gauche, hein, vous avez donc la continuation du triomphe, du défilé, avec donc les prisonniers de guerre, vous voyez, qui ouvrent la marche avec les porte-enseignes hein, qui les précèdent. Et ensuite, évidemment, le moment que tout le monde attendait, c'est-à-dire le char du butin. Il était conséquent cette fois-ci puisque c'était le trésor de Jérusalem avec la fameuse menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches en or massif qui était absolument magnifique. On dit que ce sont les barbares qui s'en sont emparés quand ils sont arrivés à Rome au 4e ou au 5e siècle. Et il paraît qu'ils ont été poursuivis dans le sud de l'Italie, en Calabre, et que le chef des barbares aurait jeté la fameuse menorah, le chandelier en or massif, dans le fleuve. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent toujours à sonder le fleuve pour retrouver donc la menorah, pour retrouver le chandelier. Dans les théâtres hippiques, qu'on appelle cirque, et autour du forum, le peuple avait fait dresser des estrades. Et il occupait aussi les autres quartiers de la ville d'où l'on pouvait avoir vue sur le cortège. Les gens assistèrent à la cérémonie vêtus de robes blanches. Tous les temples étaient ouverts et remplis de couronnes et de vapeurs d'encens. Un grand nombre de gardes et de licteurs refoulaient ceux qui s'avançaient en désordre au milieu de la voie ou qui la traversaient en courant. Et ils tenaient les rues ouvertes et libres. Il se trouve qu'on a plusieurs textes anciens qui nous décrivent de manière précise quelques-uns de ces triomphes spectaculaires. Et l'un des plus connus est celui qui raconte le triomphe du général qu'on a pris l'habitude d'appeler Paul-Émile, qui avait remporté sur les rois de Macédoine une victoire définitive, décisive, en capturant le dernier représentant, enfin celui qui finalement sera le dernier représentant de la dynastie, qui était le roi Persée. Plutarque, qui a écrit une vie de Paul-Émile, décrit par le menu la procession triomphale. Et on voit très bien que dans cette procession, il y a une véritable mise en scène des objets qui sont présentés. La pompe triomphale fut répartie sur 3 journées. La première suffit à peine à voir défiler les statues, les tableaux, les colosses pris à l'ennemi, que transportaient 250 chars. Le lendemain, on vit passer sur un grand nombre de chariots les plus belles et les plus riches armes des Macédoniens, tout étincelant d'airain et de fer fraîchement fourbi. On les avait placées avec art et rangées de telle sorte qu'elles parussent avoir été jetées les unes sur les autres, pêle-mêle et au hasard. Les casques près des boucliers, les cuirasses sur les jambards, les boucliers crétois et ceux des Thraces qui étaient en osier, les carquois mêlés aux morts des chevaux, et parmi tout cela, des épées nues dressées en l'air et des saris fichés à côté d'elles. Ces pillages et exhibitions éventuelles de butin ont fait très régulièrement l'objet de polémiques. Mais ces polémiques ne portent pas seulement sur le caractère sacré des œuvres d'art. C'est seulement l'un des moyens d'attaquer l'auteur de ce qui est considéré comme un acte répréhensible. Il y a aussi une dimension qu'on pourrait considérer comme un peu plus politique, c'est-à-dire que priver l'autre des œuvres d'art qui étaient exhibées dans ses sanctuaires et dans sa cité, c'est une manière de l'affaiblir et de l'humilier. Il y a donc en réalité derrière ces polémiques sur le pillage des œuvres d'art une polémique plus générale sur la conquête, l'impérialisme, particulièrement du côté des Romains. Attaquer les Romains, attaquer du moins ceux d'entre eux qui pillent en masse des œuvres d'art et qui ensuite les exhibent à Rome, soit à l'occasion du triomphe, soit de manière plus durable, en les installant dans des lieux publics ou dans des habitations privées, c'est une façon de mettre en cause la brutalité de la conquête romaine. Le pillage est un instrument politique pour ceux qui le pratiquent. Critiquer le pillage est aussi un instrument politique dans la bouche des détracteurs de ses conquérants. Loin de faire des vœux pour la prospérité de ceux qui ont envahi des richesses étrangères, on a compassion de ceux qui en ont été dépouillés. Ce n'est plus des mots d'autrui que les spectateurs ont compassion. C'est d'eux-mêmes, lorsqu'ils se rappellent leur propre malheur. Si les Romains, dans leur système de la conquête des nations, ne leur eussent enlevé que de l'or et de l'argent, ils ne seraient pas blâmables. Mais pour toutes les autres choses, il leur serait beaucoup plus glorieux de les laisser où elles sont. Au reste, je souhaite que les conquérants à venir apprennent de ces réflexions à ne pas dépouiller les villes qu'ils soumettent et à ne pas faire des calamités d'autrui l'ornement de leur patrie. Polybe. Thank you. Les œuvres d'art étaient exhibées en elles-mêmes et même souvent on construisait des édifices à cette fin. On a un exemple assez, enfin un parmi d'autres. Il y avait l'un des quartiers de Rome qui s'est beaucoup développé à l'époque de ces triomphes somptueux, qui est le quartier du Champ de Mars. Dans ce quartier, qui était à peu près vierge de construction, on a édifié des temples. Et souvent ces temples, enfin presque tous les temples édifiés dans cette zone au IIe siècle et même une partie du Ier siècle avant Jésus-Christ, l'ont été par des triomphateurs qui ont consacré une partie des sommes qu'ils avaient recueillies par leur victoire à l'édification de temples, mais qui les ont ensuite décorés avec des objets d'art qu'ils avaient rapportés de leur conquête. On est bon ? Oui. Alors, on est dans ce qu'on appellera communément les salons de l'impératrice et le musée chinois. Et la première chose qu'on constate, c'est une pièce muséale. C'était pas une pièce à vivre. Alors, on dansait parfois un petit peu ici, puisqu'on a un très beau parquet. Mais à la base, cette pièce est envisagée par Eugénie, la première, comme un musée qu'elle va elle-même faire visiter. Mine de rien, au château de Fontainebleau aussi, on peut voir du butin de guerre. Et pour ça, il suffit d'arpenter les jolis salons feutrés de ce grand château où s'épanouissaient les fastes du Second Empire. Et là, il ne s'agit pas d'épées, de casques ou de boucliers pris à l'ennemi, mais d'objets autrement plus délicats. La pièce dans laquelle vous êtes fut aménagée par l'impératrice elle-même pour y présenter les objets envoyés par l'armée après le sac du palais d'été en 1860. Dans les vitrines, objets chinois, porcelaine, armes, bijoux, répliques de la couronne royale. Au mur, feuilles de paravent en lac provenant du garde-meuble. La majeure partie, 90% de ces objets, viennent ou bien du sac du palais d'été, ou bien des ambassades du Siam qui ont été reçues par Napoléon III et Eugénie à Fontainebleau. Voilà. Des panneaux de bois au mur, noir et or, un plafond décoré, les murs sur fond noir, du rouge. Là, on a l'impression d'avoir changé de continent. On est dans l'image que l'on peut avoir d'un salon chinois. Voilà. L'intérêt, c'est essayer de se projeter dans un Orient fantasmé. Il faut imaginer la nuit à la lumière des bougies, à la lumière des premières lampes à pétrole. On a quelque chose qui évoque la féerie. Et ce que voit le public ici, c'est un décor assez extraordinaire, assez fantasmagorique, fait de paravents de la Chine, fait de soieries. À l'intérieur de ce décor sont disposés ces objets qui racontent toute une histoire. Alors, ils racontent évidemment cette histoire du pillage, mais ils racontent aussi la vision que des Occidentaux pouvaient avoir de l'Orient dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le musée chinois, il raconte en quelque sorte plusieurs histoires, et c'est d'ailleurs ce qui fait son intérêt. Les collections des musées en Europe, et peut-être un peu d'ailleurs de par le monde, et ça continue encore assez largement, sont faites de prises violentes, et quelquefois un peu difficilement défendables sur le plan juridique ou sur le plan éthique, sur le plan de la morale. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'en accommoder? Sûrement pas. Mais là, il y a une distance historique qui fait que, effectivement, ces objets ont été pris dans les années 1860, qu'il n'y a jamais eu de réclamation officielle du gouvernement chinois de ces objets. Et que d'autre part, alors ça c'est un peu le conservateur et l'historien d'art qui parle, ces objets aujourd'hui, ils font partie d'une œuvre d'art globale, en quelque sorte, que sont les salons et le musée chinois de l'impératrice Eugénie, et qui ont valeur de patrimoine pour toute l'humanité. Parce que c'est effectivement un dialogue extraordinaire entre l'Orient et l'Occident, un dialogue qui est très marqué chronologiquement. On est sous le Second Empire, voilà comment les Occidentaux voient l'Orient, voilà quelle image ça leur renvoie. Mais à mon sens, l'idée de démanteler un tel ensemble sous prétexte de rendre les objets, de faire des restitutions, serait une perte pour tout le monde. Et justement, quand on visite le musée Vincent Drouguet, il y a quelque chose d'inhabituel par rapport à la plupart des musées. Quand on lit le cartel, qui est donc en anglais, en espagnol, en chinois et en français, il est écrit très clairement que les objets chinois sont issus du sac du palais d'été. Ça, c'est très rare dans un musée, d'écrire clairement la provenance d'un objet. C'est un choix qui a été fait assez tôt, c'est quelque chose que vous revendiquez ? Alors, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qu'on revendique, mais évidemment, ça fait partie de l'histoire du lieu et de l'histoire des collections, et je pense que ça serait complètement illusoire de vouloir gommer les choses, alors les gommer tant au niveau du vocabulaire que les gommer complètement et ne rien annoncer du tout. Ça me paraîtrait, au contraire, absolument contre-productif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire pour autant d'abord qu'on valide une certaine histoire, et ensuite que ça résume toute l'histoire. Les Anglais et les Français sont arrivés, et puis après, il y a eu un pillage systématique qui était aussi fait pour punir l'empereur de Chine, pour punir la cour de Pékin, parce qu'il y avait un refus de négocier, alors qui peut se comprendre, parce que là, l'entrée dans l'Empire était assez agressive, d'une certaine manière. Et d'autre part, les Chinois avaient pris un certain nombre d'otages occidentaux qu'ils ont très maltraités, puisque simplement, au bout de quelques jours, simplement la moitié sont revenus vivants. Ce qui fait que les Anglais ont pris la décision très lourde, et là, elle était volontairement une décision punitive, d'incendier le Yuan Mingyuan, d'incendier le palais d'été. Et le fait de brûler, de détruire cette résidence, c'était aussi un geste politique de manière à mettre la cour de Pékin à genoux et à les obliger à négocier. Donc ça, c'est une histoire qui va au-delà d'un pillage. C'est une histoire longue, complexe. Donc je crois que ça serait effectivement contre-productif d'essayer de noyer tout ça dans un certain écran de fumée. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Imaginez, on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine, charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle, mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument. Mais il faut bien comprendre que Eugénie, elle voulait aplanir un petit peu ces mauvaises idées qu'on avait hein, sur les expéditions franco-anglaises. Et c'est pour ça qu'elle a voulu vraiment superviser. Avant que ce musée chinois soit inauguré, le 14 juin 1863, elle est arrivée exprès 5 jours avant pour elle-même mettre en place, pour elle-même essayer de créer une atmosphère agréable. Voilà. Et tout a été pensé. Il n'y a qu'à prendre les petits canapés qui sont en lampe à brocher. Alors, ces tissus incroyables, le canapé Second Empire, c'est-à-dire qu'on a une assise très basse et profonde, avec les franges horribles du Second Empire. Par contre, le motif en lui-même est un motif chinois. C'est-à-dire que quand tous les vases ont été volés au palais d'été, 4 mois de bateau, il ne fallait pas les abîmer, les porcelaines. Hein, et les militaires ont pris tout ce qu'ils pouvaient, des rideaux, des drapés, des coffres, pour emballer. Eugénie a eu l'idée de garder ces petits morceaux de tissu et ces emballages, et lorsqu'il a fallu quelques années plus tard agrémenter le musée chinois, elle a décidé de reprendre des motifs qui normalement étaient utilisés dans des drapés au palais d'été pour créer les canapés. On disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le palais d'été en Orient. Si on ne le voyait pas, on le rêvait. C'était une sorte d'effrayant chef-d'œuvre inconnu, entrevu au loin dans on ne sait quel crépuscule, comme une silhouette de la civilisation d'Asie sur l'horizon de la civilisation d'Europe. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe. Bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire et il étale aujourd'hui, avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée, nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Victor Hugo. En 1713, Heinrich Schliemann a découvert 17 dépôts de bijoux, de vaisselle et d'armes. Il a relié sa trouvaille la plus importante, comprenant un total de 8830 objets, au légendaire roi de Priam. Schliemann a emporté le trésor clandestinement à Athènes, s'attirant ainsi un procès et une amende de 10 000 francs or à payer en dédommagement à l'Empire ottoman. En payant le triple de cette somme, il a pu devenir le détenteur légal de ses trouvailles et en a fait don au peuple allemand en 1881. En 1945, l'essentiel de ce trésor a été emmené comme butin de guerre par l'Union soviétique, où les objets sont encore retenus aujourd'hui, en contradiction des lois internationales. Voilà comment est présentée au Neues Museum à Berlin la salle qui expose au public le trésor de Priam. Voilà comment un cartel raconte deux vols. L'un vertueux, l'autre condamnable. Mais ce qui est certain, c'est que tout au long de la guerre, les conservateurs de musées ont passé leur temps à mettre leur précieuse collection à l'abri des troupes et des bombardements. Alors forcément, à la fin du conflit, au moment où les Anglais, les Russes et les Américains arpentaient Berlin, là encore, il y avait de fortes chances de voir les pièces de musée devenir du butin de guerre. Alors le conservateur du Neues Museum a décidé de prendre les choses en main, car il n'était pas question de laisser filer le célèbre trésor de Priam qui avait fait sensation à Londres avant de devenir la pièce maîtresse du musée. Man muss sich das so vorstellen, dass der Museumsdirektor damals gesagt hat oder gedacht hat, die wertvollsten Objekte muss ich mich selber bis zum Schluss kümmern. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que le directeur du musée pendant la guerre s'était promis de prendre soin des objets les plus précieux jusqu'au bout. Et donc il a fait préparer trois caisses dans lesquelles il a fait emballer les objets d'or et les pièces les plus précieuses. Par exemple, s'il devait s'occuper d'objets issus de la fouille d'une tombe barbare, eh bien les fibules d'or allaient dans ces caisses et le reste dans d'autres caisses de deuxième ou troisième catégorie. Mais ce directeur avait aussi l'expérience de la Première Guerre mondiale en matière de préservation de l'art, et son souci principal était de remettre les objets aux vainqueurs afin qu'ils soient réellement en sécurité. Ensuite, il a pris ses trois caisses avec lui et il s'est fait enfermer avec elles dans la tour antiaérienne située près du zoo. Et il est resté là pendant des semaines, il a dormi avec ses caisses et il ne les a pas quittées des yeux. C'était le bunker le plus sûr et il savait qu'il ne serait pas détruit par les bombardements. Et quand les Russes, les Soviétiques, ont envahi Berlin, il s'est adressé au commandant russe de la ville de Berlin et lui a remis les trois caisses contre un reçu. Ensuite, l'Union soviétique a immédiatement fait transporter ces trois caisses d'or à Moscou, où elles ont été stockées au musée Pouchkine, et on peut même dire qu'elles y ont été cachées. Le sort de ces caisses est resté longtemps mystérieux, on ne savait pas où elles se trouvaient. À l'Ouest, on se demandait si elles avaient été volées ou emportées aux USA, et c'est après la chute de l'Union soviétique qu'on a appris qu'elles étaient toujours dans le musée Pouchkine à Moscou. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, немецко-фашистские войска самым ненавидимыми войсками? Et elle a signé. Mes amis qui souffrent jour et nuit sous le joug accablant des nazis, je vous parle comme celui qui en 1918. Un des aspects importants actuellement, c'est que nos collections, y compris ces fameuses caisses d'or, sont encore très éparpillées. Beaucoup d'objets sont encore en Russie et il y a environ 10 000 objets dans les musées de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Et pour nous, aujourd'hui, il est important de maintenir une collaboration intensive avec nos collègues russes. Et je crois que c'est d'ailleurs une évolution positive de l'histoire, car sinon nos musées n'auraient pas pu avoir des contacts aussi intenses avec la Russie. Alors oui, c'est un résultat vraiment positif, et nous sommes très conscients que notre devoir en tant que chercheurs est de remettre ces objets au cœur de nos recherches, pour les réunir de nouveau et les étudier, même s'ils sont séparés géographiquement, pour les relier entre eux, et pour ça on a développé des collaborations et des formats muséaux spéciaux. Il n'est pas question, professeur Vemouf, de réclamer le trésor de Troie à la Russie. Pour nous, la situation est claire. C'est d'ailleurs une question politique et dernièrement, c'est même l'objet de demandes officielles entre l'Allemagne et la Russie. Alors pour nous, bien sûr, il est clair que nous réclamons de récupérer ce trésor. Mais en attendant, il faut prendre notre mal en patience et faire de notre mieux. Dans ces vitrines, on voit dans l'une des parures un collier à trois rangs. Il y a aussi des haches de pierre, des bracelets, des boucles d'oreilles, une parure de tête. Et donc ces objets brillent, ils sont dorés, ils resplendissent, ils scintillent sous les lumières du musée, sous ses coupoles. Et puis là, on a des objets qui, eux, ont effectivement l'aspect qu'on a l'habitude de rencontrer avec les objets archéologiques, donc des objets qui sont éteints, qui sont ternes. On voit l'usure, on voit les endroits où ils ont été brisés, ils sont un peu cabossés. Donc on n'est pas du tout dans le même aspect avec les originaux. Pourquoi vous avez décidé d'exposer ces copies en annonçant dans la vitrine qu'il s'agit de copies et qu'on peut trouver les originaux à Moscou, au musée Pouchkine? Oui, nous avons ici pour l'essentiel des copies qui remontent à l'avant-guerre. En fait, ces objets étaient célèbres, par exemple cette saucière a été beaucoup reproduite, et on possède d'anciennes sources, des modèles, des illustrations et de très bonnes copies anciennes. Donc on a décidé de ne présenter dans ces deux vitrines que des copies, celles des objets d'or du trésor de Priam, qui sont encore au musée Pouchkine, et de l'indiquer très clairement au public. Mais évidemment, tout le reste des objets de cette salle sont des objets originaux. Mais pour nous, il était important d'exposer l'ensemble de la fouille du trésor de Troie, et donc c'est pour ça que nous n'exposons des copies que des objets qui nous manquent. Sinon, habituellement, on ne montre jamais de copies. Kommen als Kopien bei uns ins Museum, sonst zeigen wir eigentlich keine Kopien. Truva'nın hazinesiyim. 4500 yıl önce antik Yunan kenti Truva yakınlarında tasarlandım. Altındanım, bakırdanım, gümüştenim. Eski Truva yakınlarında, bugünkü Türkiye'de tasarlandım. Gizlice Osmanlı İmparatorluğundan kaçırılıp Berlin'e getirildim. Beni saklamak için bir bedel ödendi. Bir yarım hala Türkiye'de. Türkiye ve Almanya benden kalan eseri talep ediyor. Je suis le trésor de Troie. Truva'nın hazinesi. Je suis en or, en cuivre et en argent. J'ai été offert au peuple allemand. Eski Truva yakınlarında. J'ai été emmené clandestinement hors de l'Empire ottoman et emmené à Berlin. J'ai été installé dans un musée à Berlin. J'ai été emporté par les Russes. Не помнишь первый год, когда он стал? Ich bin der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, zu denen das Bode-Museum gehört. Das Bode-Museum mit seinem imposanten Gebäude, das wie ein Wasserschloss auf der Spitze der Museumsinsel thront, beherbergt drei verschiedene Museumssammlungen. Neville Rollet, on est à Berlin, sur la Museumsinsel, sur l'île au musée. Donc on est là au Bode-Museum. Cette salle où on se trouve, elle nous raconte à la fois un moment de la Renaissance, très précis, et elle nous raconte aussi l'histoire de ce musée, l'histoire de la trajectoire des œuvres à Berlin, l'histoire des musées de Berlin pendant la guerre, et finalement, toutes ces histoires-là sont dans la salle. Alors, on est dans une salle qui vient d'être réaccrochée, qui est consacrée à Donatello, et c'est justement l'enjeu dans cette salle-là qui n'est pas constituée d'œuvres d'art de la Renaissance italienne, mais de photographies, de moulages ou alors d'un faux. Ça, normalement, dans un musée, on ne met pas des moulages, des faux, des photos. Enfin, pour moi, c'était inconcevable. C'était très important de mentionner aussi la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie de la collection qui a disparu en 1945. D'avoir trois reproductions à grandeur d'œuvres très importantes qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, étaient attribuées à Donatello, une flagellation de marbre et un Jean-Baptiste de bronze. Et c'est la présence des œuvres qui permet leur présence dans la conscience des historiens de l'art, mais aussi du public. Moi, ces œuvres oubliées m'ont toujours fasciné. Sur chaque œuvre, il y a la date de l'acquisition de cette œuvre et surtout, il y a ce qu'on appelle un QR code sur lequel on peut trouver alors, une description en allemand, petite, une description en anglais et aussi toutes les informations dont on veut avoir sur cette œuvre. Je vais essayer de pas faire tomber toutes mes notes. Et ce qui me tient aussi beaucoup à cœur et que je n'ai pas encore fait pour l'intégralité de la collection mais pour toutes les œuvres qui sont dans cette salle, c'est de tracer aussi ces voyages depuis qu'elle est dans les musées de Berlin. C'est le cas pour les œuvres aujourd'hui à Moscou. Le cartel indique que ce sont des copies des plâtres qui ont été faits en 2015 d'après des originaux qui se trouvaient à Berlin, qui se trouvent aujourd'hui au musée Pouchkine à Moscou. Et il y a un... sur le cartel qu'elles se trouvent au musée Pouchkine à Moscou, si. Parce qu'elles ont été emmenées après la guerre. Si, si, tout à fait. Tout à fait. Non, le terme butin, on a dit que c'était pas... Enfin, t'avais choisi quoi ? C'était transporté après la guerre. Parce qu'en fait, c'est toute une histoire. Au Bode-Museum, qui s'appelait alors le Kaiser Friedrich Museum, il y avait avant la guerre des œuvres de la Renaissance, des peintures et des sculptures dont une partie a brûlé dans l'incendie du bunker où elles étaient abritées, et dont le reste des collections ont été dispersées. avec le partage de Berlin, le Bode-Museum est passé à l'Est. Et au moment de la réunification, les conservateurs ont alors tenté de rassembler la collection éparpillée et de faire l'inventaire de ce qui avait été détruit. Mais ce qui avait fini par être oublié, c'est que les Russes, au sortir de la guerre, avaient emporté des pièces qu'on pensait avoir été détruites dans l'incendie du bunker. Les collections et tout ce qui était dans les réserves des musées berlinois ont été stockés dans plusieurs endroits. Et la plus grande partie de nos collections ont été entreposées dans des mines de sel en Allemagne, à part les pièces les plus précieuses. Et à la fin de la guerre, ces objets ont été d'abord découverts par les troupes américaines qui se sont servies, puis par les Anglais qui ont pris leur part, et enfin par les Russes qui ont emporté tout le reste en Union soviétique. Ja, das war sicherlich der Fall. Also Stalin plante ja ein großes Weltkunstmuseum an der Stelle, wo heute Stalin avait le projet de faire édifier à l'emplacement de la cathédrale de Moscou un musée d'art mondial pour exposer tous les objets rapportés des zones conquises ou envahies pendant la guerre. Mais finalement, ce projet n'a pas été réalisé car les soviétiques se sont rendus compte que cela allait clairement contre les droits des peuples et la convention de La Haye. C'est ainsi qu'on a maintenu officiellement la déclaration que tout a été rendu à cette époque à Berlin-Est. Man sieht vielleicht auch ganz gut daran, dass der Umgang mit solcher Kriegsbeute natürlich la manière dont ces butins de guerre ont été traités est complètement liée au contexte politique de l'époque. C'était le moment de la guerre froide. L'Allemagne de l'Ouest était pourvue par les Alliés à l'Ouest et les Russes ne voulaient pas se trouver en porte-à-faux ou dans une position morale négative par rapport à l'Ouest et aux Américains. C'était la position en 1957 et 1958 qui a déterminé cette action. Und Russland hat dann 1958 eine große Rückgabe an die DDR gemacht. En 58, les Russes ont fait une grande restitution à l'Allemagne de l'Est et ces pièces ont été conservées à Berlin-Est. Les Russes, à l'époque, ont laissé croire que la totalité du butin de guerre avait été rendue à l'Allemagne de l'Est. Avant la réunification, l'Ouest ne savait pas ce qui se trouvait à l'Est et à l'Est, on ne savait pas ce qui se trouvait à l'Ouest. Mais ce que chacun d'eux savait, c'est que les parties du trésor les plus précieuses manquaient. Tous les objets d'or manquaient, c'était une certitude. Et tout a recommencé au moment de la réunification aux alentours de 1990. Il y a eu un accord de bon voisinage passé entre l'Allemagne et la Russie, à l'issue duquel le retour des objets restés en Russie a été décidé. Und dieser Vertrag wird dann nicht umgesetzt, weil sich in der Endphase. Mais ce traité a été annulé, car à la fin du mandat de Yeltsin, la Douma a voté contre cette résolution et la décision a été prise de garder ce butin au titre de compensation des pertes subies par les Russes pendant la guerre. Das ist natürlich eine herbe Sache für uns. Et c'est une chose très douloureuse pour nous, puisque cette collection est désormais éparpillée. La question des émotions est toujours très présente du point de vue scientifique. Il y a plusieurs sortes d'émotions. Il y a des émotions qui sont des émotions de l'opinion publique, des émotions instrumentalisées, etc. Mais évidemment, dans un musée où le travail du musée, c'est de conserver des ensembles cohérents, toute division violente en particulier d'un ensemble cohérent, c'est-à-dire par exemple d'une fouille, est une chose scientifiquement douloureuse. Alors est-ce qu'un scientifique ressent de la douleur ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une douleur intellectuelle ou une douleur culturelle ? C'est difficile à définir, mais en tout cas, il y a une tristesse de l'objet divisé, sûrement. Oui. Il y a des négatifs de verre au musée, des photographies, qui font à peu près 30 cm sur 20, enfin format A4, qui sont des photographies qui datent de l'avant-garde, des œuvres originales. Et ça, ces plaques de verre m'ont fasciné parce que je me suis dit qu'elles avaient vu les œuvres qui aujourd'hui ont disparu. C'est comme des fantômes pour vous. C'est exactement comme des fantômes. Et surtout des fantômes dont, si on étudie la collection, on a le devoir de s'en souvenir, de dire qu'ils sont là, plutôt que de les cacher sous le tapis. C'est quand même plus intéressant. Neville Rollet n'aime pas renoncer, et encore moins enterrer les œuvres disparues. C'est un chercheur qui aime que les numéros d'inventaire répondent présents. Et alors que d'autres avaient fait le deuil du Saint-Jean-Baptiste de Donatello, le temps a passé tranquillement. Mais lui, a su tirer le fil d'une note de bas de page, jusqu'à se retrouver un jour tout ému au musée Pouchkine de Moscou, devant le Saint-Jean-Baptiste, abîmé, brisé, brûlé en partie, mais toujours là, comme renaissant de ses cendres grâce à la vigueur intacte de son visage ascétique. Parce que Neville Rollet est un conservateur qui tient le compte de ces troupes de pierre et leur prête une oreille attentive. À chaque fois que je vais dans l'atelier de restauration ou dans les réserves et que je vois des fragments, parfois ils sont séparés, etc., j'ai l'impression que les sculptures me parlent pour me dire il faut faire en sorte que ce soit réuni ou que je sois restauré ou que je sois montré. Pour vous, elles sont un peu vivantes, les œuvres ? Bien sûr qu'elles sont vivantes. Oui, elles me parlent, elles me disent qu'elles ont envie de sortir et qu'il faut les voir. Alors, voilà les stoppables. Alors ça, c'est intéressant parce que... Alors en fait, cette décision d'avoir ce type d'outil, c'est venu à la suite d'un événement dont je me souviens parfaitement, qui est un cambriolage qui s'est déroulé dans ce musée et qui nous a privés de 22 pièces. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être quand même évoquer ces objets disparus, et notamment la couronne de Siam, d'une manière ou d'une autre. Donc on a travaillé avec une maison qui nous a proposé cet outil de visite, et en fait c'est eux qui ont proposé d'aller jusqu'à faire voyager le visiteur dans l'espace et dans le temps et de remettre en situation quelques-uns de nos objets dans ce qui est évoqué comme leur cadre initial. Donc quand on regarde l'écran, effectivement, on voit d'abord cet objet dans le salon dans lequel on se trouve, donc avec ses paravents noirs et or derrière en fond, et puis ce stupa posé sur son socle. Et puis quand on appuie sur l'objet sur l'écran de l'istopade, à ce moment-là, le mur qui est derrière le stupa devient rouge. Et quand on fait circuler l'image à 360 degrés, on voit qu'on a changé d'endroit et on est désormais à Pékin. On est désormais dans les environs de Pékin, effectivement, au Yuan Mingyuan, le jardin de la clarté parfaite. Et ça n'est qu'après que je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'est pas un risque qu'on prend ? C'est quand j'ai vu les choses finies, je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ? Parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu provocateur quand même ? Est-ce que c'est pas un peu provocateur vis-à-vis notamment de notre public chinois d'agiter comme ça une espèce de chiffon rouge, un petit peu de dire « Ah ah, vous voyez, c'était au Palais d'été, puis maintenant c'est chez nous ». Enfin, au niveau au moins des universitaires, des conservateurs chinois, les choses semblent s'être un peu apaisées. Il y a une forme de reconnaissance qui peut provoquer de l'apaisement. C'est ce que j'espère. Ces objets, ils ont... c'est même presque des paradigmes de cette histoire du pillage, mais ils ne sont pas les seuls, loin de là. Alors évidemment, tous les objets de musée ne résultent pas de pillage, mais tous les... Non, ne me faites pas dire ça. Mais tous les objets de musée, ou presque, résultent d'un déracinement. Quand on voit un tableau religieux sur une cimaise de musée, il n'a pas été fait pour ça. Il était dans un retable, au fond d'une chapelle, devant un rang de cierges ou de bougies qui l'éclairaient de manière très très différente. Et donc... il faut parler de ce déracinement à un moment donné, parce que sinon on passe à côté d'une dimension qui est importante. Je suis un tableau. Je suis en bois. Je suis en ivoire. Je suis en bois, en pierre, en marbre. Je suis un objet d'art. J'ai été volé. Je suis une statue. Je suis un fresque. On est face au Collège de France, place Marcelin Berthelot. Et donc on voit derrière les grilles, au loin, cette statue de Champollion. On ne devine pas du tout que Champollion a son pied posé sur une tête de pharaon. On dirait vraiment qu'il a son pied posé sur un rocher. Est-ce que pour résumer, on pourrait dire que cette statue, elle a eu à un moment la signification du savoir et qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être lui donner une allégorie du pillage? Moi, je pense qu'il ne faut pas penser ces choses, toutes ces histoires de patrimoine culturel en termes de c'est soit ça, soit ça. Malheureusement, c'est et ça, et ça. Et ce qui me semble, c'est que cette statue-là représente trois choses à la fois. Elle représente le désir de savoir, le désir de déchiffrer, par exemple, les hiéroglyphes qui est incarné par Champollion, d'une part, le désir de la beauté, donc de, par exemple, s'approprier des monuments égyptiens aussi beaux que la tête brisée de ce pharaon ici. Donc, désir de beauté, désir de savoir et aussi, en même temps, désir de domination, marqué par la botte du savant sur la tête du pharaon. Et ces trois désirs, on ne peut pas les séparer. C'est eux qui nous ont constitués comme société européenne, qui font notre présent européen, en savoir toujours plus, être toujours plus beau, et aussi, avec ça, dominer beaucoup, parfois, pour obtenir le savoir et pour obtenir la beauté. Et si on arrive à penser ces choses ensemble, et si on arrive à supporter la contradiction, et si on arrive à dire qu'un musée, c'est la face solaire, c'est la curiosité exceptionnelle de l'Europe dans le monde pendant des siècles, d'une part, et que c'est les émotions esthétiques, historiques, intellectuelles que ça peut nous procurer, que ça nous procure toujours depuis des générations. C'est ça, et c'est aussi quelque chose qui a à voir avec des moments de violence symbolique et réelle, de domination également économique. Beaucoup d'œuvres ont été achetées à des moments de dissymétrie économique. Si on arrivait à penser tout ça en même temps, je pense qu'on rend nos musées plus riches et nous, on se rend aussi meilleurs. Merci à Sophie Benezech, Marianne Coudry, Kevin Danins, Vincent Droguet, Michel Hume, Marielle Pic, Bénédicte Savoie et Mathias Wemouf. Merci à Anna Olvec et Marie-Lise Dumont. Lecture, Daniel Königsberg, Mathieu Farizier et Léon Bonafé. Prise de son, Romain Lucquins et Philippe Etienne. Mixage, Claude Nior. L'art comme butin de guerre, petite chronique des voleurs volés. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Diffie Mariani. Thank you.